Bonjour, voici mon premier podcast. C'est un MP3 que je vais mettre en ligne maintenant pour voir s'il fonctionne. S'il fonctionne, vous aurez un podcast fréquent, peut-être tous les jours, peut-être plusieurs par semaine. Merci.